السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ومن أسماء الله تبارك وتعالى السيد، وهو اسم مأثور في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أبو داود بسند جيد رحمه الله عن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها سيدا. وقال في قوله تعالى: الله الصمد، إنه سيد الذي قد كمل في سؤدده. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله السيد الله أي أن السؤدد حقيقة لله عز وجل. Parmi les nobles noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces noms sublimes, il y a As-Sayyid. En effet, c'est un nom qui est mentionné dans le recueil de l'imam Abi Daoud rahimahullahu ta'ala avec une bonne chaîne de transmission. Selon Abdullah ibn Shikhir, il rapporte: je me rendis au sein d'une délégation de Bani Amir auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous lui dîmes: tu es notre maître. Et lui de dire: le maître est Allah, le maître est uniquement Allah, béni soit-il et élevé. Nous dîmes encore: tu es le meilleur d'entre nous, tu es celui qui a le plus de grâce, Tu es celui qui dispense le plus ses grâces et qui est le plus élevé, qui a la suprématie sur ses ennemis. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, قولوا بقولكم أو بعض قولكم. Dites ce que vous avez à dire ou une partie de ce que vous dites, c'est-à-dire ici, et ne laissez pas الشيطان, le Satan, vous poussez à l'exagération. Vous poussez à l'exagération. Ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit As-Sayyidullah. As-Sayyid, le véritable maître, celui qui a la souveraineté absolue, est uniquement Allah. Il y a donc parmi les noms d'Allah As-Sayyid. Et il a été rapporté selon Abdullah ibn Abbas, il y a discussion au sujet de cette chaîne de transmission, ou plutôt pour le athar qui viendra ensuite, concernant le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Suratul An'am, le verset 164. Devrais-je rechercher en dehors d'Allah un seigneur? Ibn Abbas explique et dit, c'est-à-dire une divinité et un maître. Une divinité adorée et un maître. Sayyida. Concernant la parole d'Allah dans Suratul Ikhlas, Allahu Samad, il explique en disant, Innahu Sayyidu Alladhi Qad Kamula Fi Su'dadi. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est As-Samad, Non, es-samad, na'am, c'est-à-dire le maître dont la souveraineté est parfaite et absolue. Et parfaite et absolue. Wa muradu nabi sallallahu alayhi wa sallam mi qawlih as-sayyidullah ay anna su'dada haqiqatan lillahi azza wa jal. فهو المالك المولى الرب والخالق والخلق كلهم عبيد له مملوك مقهور عليه ليس بهم غنية عنه في بدء أمرهم وهو الوجود إذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا ولا في البقاء بعد الإيجاد ولا في في العوارض العارضة أثناء البقاء محتاجون إليه في كل شؤونهم مفتقرون إليه في جميع حاجاتهم لا غنى لهم عنه طرفة عين والأمر كله إليه وحده والخلق كلهم طوع تدبيره وتحت تصرفه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت ويأمر وينهى ويقبض ويبسط ويكرم ويهين ويهدي ويضل ويضحك ويبكي ويغني ويفقر الأمر أمره والملك ملكه والعبيد عبيده فهو وحده تبارك وتعالى الذي تحق له السيادة ملكا وخلقا وتدبيرا وذلا وخضوعا وانكسارا. Ce qui est voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit dans ce hadith As-Sayyidu Allah, As-Sayyidullah, le maître n'est qu'Allah, c'est-à-dire que la réelle souveraineté, la souveraineté parfaite et complète n'est attribuée que à Allah subhanahu wa ta'ala. N'est attribué que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui le réel maître et celui qui mérite cette appellation. C'est lui le mada, le dominateur ou plutôt le maître, le roi, le maître, le seigneur. L'ensemble des créatures sont ses serviteurs. Na'am, c'est donc lui le roi, le propriétaire, le seigneur et toutes les créatures sont les serviteurs d'Allah ou les esclaves d'Allah. Il les possède, elles sont soumises à lui. Il a le dessus sur l'ensemble de ses créatures. Quant à elles, elles ne peuvent se passer de lui. Elles ne peuvent se passer de lui ni au début de leur existence, ni au début de leur avènement, à savoir leur existence, ni par la suite. Ni par la suite. Car sans lui, elles n'auraient pas existé. Et sans lui, elles n'auraient pu rester. Elles n'auraient pas pu rester en vie. Elles n'auraient pas pu rester en vie. Donc ni elles n'auraient pu exister, ni elle n'aurait pu survivre. Et c'est lui qui les maintient après différents événements. Après différents événements comme accidents et autres. C'est lui qui les maintient. Subhanahu wa ta'ala. Donc, elles sont toutes dépendantes de leur maître, Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit le domaine, quelles que soient leurs affaires, elles sont dépendante et besogneuse face à Allah subhanahu wa ta'ala pour l'ensemble de leurs affaires et de leurs besoins. Elles ne peuvent se passer d'Allah, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. L'ordre tout entier, le commandement dans son entièreté, revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ensemble des créatures avance sous son commandement. C'est lui qui donne et prive. C'est lui qui abaisse et élève. C'est lui qui accorde puissance et honneur. et c'est lui qui avilit et humilie. C'est lui qui donne la vie et donne la mort. C'est lui qui ordonne et interdit. C'est lui qui donne avec largesse ou prive et retient. Il honore et avilit. Il guide et égare. Il fait rire et fait pleurer. C'est lui qui enrichit et appauvrit. Naam. L'ordre n'est que le sien. La royauté n'est que la sienne. Les serviteurs sont les siens. Les esclaves sont les siens. Il est seul et unique à avoir cette souveraineté, cette royauté à la manière absolue. De la manière absolue. Et donc le seul qui mérite la souveraineté. Tant dans la royauté que dans la création et la gérance. C'est lui qui mérite qu'on se soumette à lui, qu'on s'humilie face à lui et qu'on soit brisé devant lui. فَهُوَ سُبْحَانَهُ سَيِّدُ الَّذِي لَهُ تَصَرُّفُ وَالتَّدْبِيرُ فِي هَذَا الْكَوْنِ لَا نِدَّ لَهُ وَهُوَ سُبْحَانَهُ سَيِّدُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ تُصْرَفَ لَهُ وَحْدَهُ الطَّاعَاتُ وَالذُّلُّ وَالْخُضُوعُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَكَمَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ سَيِّدُ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْخَلْقِ لَا نِدَّ لَهُ فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ سَيِّدَ الْمَعْبُودَ لَا شَرِيكَ لَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. C'est donc lui, subhanahu wa ta'ala, qui est le maître absolu et qui détient l'ordre tout entier et régit cet univers. Il n'a aucun égal dans tout cela. Il n'a aucun égal dans tout cela. Il est le maître qui est le seul à mériter toute forme d'obéissance, de soumission et d'humilité, seul, sans associé. À partir du moment où, tout comme il a la souveraineté absolue, la gérance absolue sur ses créatures et ses serviteurs, par conséquent, il est le seul à mériter de leur part l'adoration. Vu qu'Allah Azza wa Jalla est notre maître absolu, notre créateur, notre souverain, celui qui décide de tout ce qui a lieu dans les cieux et la terre, celui qui régit nos affaires, il est donc le seul qui mérite d'être adoré. Il est donc le seul qui mérite d'être adoré, seul, sans associé. C'est pour cela qu'il nous dit dans Suratul An'am, Qul dit, أغير الله أبغي ربا devrais-je rechercher en dehors d'Allah un seigneur comme a dit Ibn Abbas, une divinité adorée et un maître. Donc Allah Azza wa Jal est la seule divinité qui mérite l'adoration, car c'est notre seul maître, tabaraka wa ta'ala. قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان الداعي كإلى عبادة الأصنام واتباع خطوات الشيطان أغير الله أبغي ربا يقول أسوى الله أطلب سيدا يسودني وهو رب كل شيء يقول وهو سيد كل شيء دونه ومدبره ومصلحه. Le grand exégète du Coran, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, nous dit dans son tafsir au sujet de ce verset. Allah élevé soit sa renommée ou sa mention, dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est-à-dire au messager d'Allah Muhammad, à ceux qui attribuent des égaux à Allah en adorant donc les fausses divinités, dis à ces gens qui t'invitent à adorer les idoles et à suivre les pas du diable, « Aghayr Allahi abri rabban » devrais-je rechercher en dehors d'Allah un Seigneur? C'est-à-dire, dis-leur, devrais-je rechercher en dehors d'Allah un maître qui applique sur moi sa souveraineté pour gérer mes affaires et autres? Wa huwa rabbu kulli shay, alors que c'est le Seigneur de toutes choses, c'est-à-dire alors que c'est le maître de toutes choses, de tout ce qu'il y a en dehors de lui, alors que c'est lui le gérant, alors que c'est lui le gérant, celui qui maintient toutes choses en bon état. قال ابن كثير في تفسيرها يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه أغير الله أبغي ربا أي أطلب ربا سواه وهو رب كل شيء يربني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه لأنه رب كل شيء ومليك ومليكه وله الخلق والأمر. Quant à Ibn Kathir, رحمه الله تعالى, il explique ce verset dans son tafsir en disant, le Très-Haut dit, قل, dit ô Muhammad à ses associateurs, ceux qui ont donné l'adoration à autre qu'Allah et qui ne lui ont pas accordé la sincérité dans l'adoration, ni la confiance, qui n'ont pas compté pleinement et uniquement sur lui. « Aghayr Allahi abri rabban » vais-je donc rechercher en dehors d'Allah un Seigneur? C'est-à-dire, vais-je rechercher un autre Seigneur en dehors d'Allah? Alors que c'est lui, « wa huwa rabbu kulli shay » alors que c'est le Seigneur de toutes choses, celui qui l'éduque, celui qui le préserve, celui qui le gère. Comment yani on pourrait adorer autre qu'Allah Azza wa Jal alors que c'est lui et uniquement lui qui fait tout cela? C'est lui qui nous éduque, nous élève, nous protège. C'est lui qui administre nos affaires. Aïe la atawakkalu illa alayhi. Je ne compte donc pleinement que sur lui. Je n'abandonne donc mes affaires qu'à lui. Wala unibu illa ilayhi. Et je ne retourne avec l'adoration et le repentir que vers lui. Li'annahu rabbu kulli shay'in wa maliku. Car c'est le Seigneur de toutes choses et le maître de toutes choses. Walahu al-khalq wal-amr, et à lui appartient la création et le commandement. À lui appartient la création et le commandement. On a également Na'am. Wa hadha adallu ad-dalil wa abyanu al-burhan 'ala butlan ash-shirk wa ittikhadh al-andad. Ceci est ou est la preuve la plus manifeste et l'argument le plus clair quant à la fausseté du polythéisme, quant à la fausseté du polythéisme et l'adoption des égaux à Allah. Ces textes-là, le fait qu'on sache qu'Allah c'est As-Sayyid, et qu'il est unique dans ses actes envers ses créations, le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, et qu'à lui appartient la maîtrise totale des affaires de ses serviteurs, est la plus grande preuve et l'argument le plus clair quant à la fausseté du polythéisme. Ça rend complètement caduque le droit à l'adoration à tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça repousse le fait, yani complètement le fait, qu'une créature puisse être légale, puisse être l'égal d'Allah tabaraka wa ta'ala. إذ كيف يتخذ المخلوق الضعيف أو يتخذ المخلوق الضعيف ندا لسيد العظيم والخالق الجليل والرب القدير تعالى الله عما يشركون. En effet, comment oserait-on considérer une faible créature comme étant l'égale du sublime Seigneur et l'éminent Créateur et du Maître Tout-Puissant? Allah est bien au-dessus de tous les associés qu'on lui attribue. La créature est faible. La créature a été créée à partir du néant. La créature n'existait pas, elle a existé, puis elle mourra pour être ressuscitée. La créature est faible et dépendante. Comment est-ce qu'on pourrait la rendre égale du maître immense, du créateur sublime, du Seigneur parfaitement omnipotent? Allah nous dit dans son livre, dans Sourate Al-A'raf, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction ou selon na'am, la traduction des sens de ce verset, est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir, ni se secourir eux-mêmes? Si vous les appelez vers le chemin droit, ils ne vous suivront pas. Le résultat pour vous est le même, que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc, et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Ont-ils des jambes pour marcher? Ont-ils des mains pour frapper? Ont-ils des yeux pour observer? Ont-ils des oreilles pour entendre? Dis, invoquez vos associés, et puis rusez contre moi, et ne me donnez pas de répit. Certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre, c'est lui qui se charge des vertueux. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont capables ni de secourir, ni de se secourir eux-mêmes, ni de se secourir eux-mêmes. La suite des versets. Alahum arjulun yamshuna biha, am lahum aydin yabtishuna biha, am lahum a'yunun yubsiruna biha, am lahum adhanun yasma'una biha, qul ud'u shuraka'akum thumma kiduni. فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Dans le livre, pour celui qui a fiqh, Asma Allah al-Husna, lors de l'impression, il manque au verset, au début du verset 195 de la page donc 360. La page 360, il faut noter Alahum. Alahum arjulun yamshuna biha. Donc il manque Alahum lors de l'impression. Probablement que ça n'a pas été, ça n'est pas passé. وبهذه الآيات ونظائرها يعلم أن اتخاذ الناس سيدا غير الله سواء من المقبورين أو الأحياء يعتقدون فيه يعتقدون أو يعتقدون فيه جلب النفع أو دفع الضر، أو يعلقون به حاجاتهم، أو ينزلون به طلباتهم ورغباتهم، أو يصرفون له لجوءهم ودعواتهم، أو يطلبون منه كشف غمومهم وكرباتهم، يعد شركا بالله العظيم واتباعا للسبيل المفضية إلى الجحيم، وهذا غاية الجهل والظلم. إذ كيف يسوى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى من لا يملك نفس لنفسي ولا لغيري مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أملك نصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بالسيد العظيم الذي له مقاليد السماوات والأرض، وبيده أزمة الأمور لا شريك له. Ainsi dans ces versets et d'autres semblables ou similaires, on nous montre clairement que les gens doivent se garder d'adopter un autre maître qu'Allah, défunt ou vivant, en le croyant capable de leur apporter un bien ou de repousser un mal. Il ne faut pas qu'ils s'accrochent à lui pour un besoin quelconque et qu'ils pensent qu'il a les moyens de satisfaire leur soi ou leur désir. Il ne convient pas de lui adresser des invocations, de rechercher refuge auprès de lui ou de le solliciter afin d'adresser des invocations ou de le solliciter afin qu'il dissipe les soucis et les anxiétés. En effet, tout ceci est considéré comme un immense polythéisme. Cela équivaut à emprunter la voie qui conduit au feu. Assurément, c'est le summum de l'ignorance et de l'injustice. Donc ici, l'auteur Hafidhahullah Ta'ala nous dit que tous ces textes, et ceux qui sont similaires dans le sens, nous montrent parfaitement que d'accorder à Allah Azza wa Jal, qui est notre seul maître, un égal, que ce soit ce à quoi s'adonnent certaines personnes en prenant pour maître les morts, les saints, en se rendant au tombeau et en leur donnant des parts d'adoration, donc qu'ils soient morts, ou encore qu'ils soient vivants, et ils ont comme croyance sur eux qu'ils peuvent apporter le bien, repousser le mal, et ils rattachent même leur cœur à ces créatures mortes ou vivantes, ils rattachent leur cœur quant à l'obtention de leurs besoins, ils placent et abandonnent leurs désirs auprès d'eux, ils se dirigent vers eux lorsqu'ils invoquent, et lorsqu'ils sont dans un problème, dans une anxiété, dans une affliction, dans une peine, dans un souci, ben ils se dirigent également vers ces créatures. Ils les ont donc adoptées en tant que maîtres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci, sans aucun doute, fait partie du shirk akbar. Fait partie du polythéisme, c'est le fait de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui nous a créés. C'est le fait de rattacher son cœur à la créature en dehors du créateur. C'est le fait de vouer le culte, l'adoration, le droit d'Allah sur ses serviteurs à la créature. Ça, c'est du shirk. Et ça revient à suivre le chemin qui mène au feu, puisse Allah nous en préserve. Ça, c'est la pire des ignorances et la pire des injustices. Allah nous dit dans le Coran, « Inna shirka la zulmun azim » Certes, le polythéisme est une énorme injustice. « Idh kayfa yusawwa » Naam. « Idh kayfa yusawwa turab bi rabbil arbab »« Wa kayfa yusawwa al-abid bi malik al-riqab » وكيف يسوى من لا يملك لنفسي ولا لغيري مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أملك نصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالسيد العظيم الله أكبر. Comment peut-on assimiler ceux qui ne possèdent aucun pouvoir de nuire ou de faire le bien dans le ciel ou sur terre, qui ne saurait apporter aucun soutien, qui est incapable de donner la vie ou la mort, ou encore de ressusciter les morts? Comment est-ce que celui qui a cette description pourrait être mis au niveau du sublime maître qui possède la clé des cieux et de la terre, qui tient dans sa main les rênes des affaires et qui n'a aucun associé. ولما بولي أقوام بمثل هذا التعلق بالمقبورين أضفوا عليهم هذا اللقب معتقدين فيهم ملتجئين إليهم خاضعين ذليلين ناكثين بذلك توحيدهم متلوثين بما يناقضه ويضاده. Et quand les gens ont été, quand des gens ont été éprouvés par cette calamité au point de s'accrocher aux défunts, aux tombeaux, ils ont attribué à ces derniers ce titre, c'est-à-dire de maître. De maître. Ils les ont pris en tant que maître en dehors d'Allah. Ils ont eu foi en eux. On recherchait refuge auprès d'eux, sont dirigés vers eux, leur ont accordé humilité, se sont soumis humblement à eux. Ainsi, ils ont violé le pacte, ils ont annulé leur tawhid, leur croyance, et l'ont souillé à travers un agissement contraire à cette croyance, le monothéisme pur. وتأمل في الحديث المتقدم حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وصيانته لجنابه وسده طرق الشرك. Et observe attentivement dans le hadith du chapitre comment est-ce que l'élu, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a tout fait pour protéger, préserver les délimitations du tawhid. La délimitation du tawhid. Et comment est-ce qu'il a protégé, na'am, tous les chemins et toutes les voies menant au polythéisme. Il a coupé et arraché la chose à sa base pour éviter que les gens ne soient tentés et que d'une porte, ils soient menés à une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à tomber dans le polythéisme, puisse Allah nous en préserver. Donc ça, c'est un point très important à comprendre. C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, a tout fait et a fourni parfaitement tous les efforts, possible et imaginable pour protéger la communauté de tomber dans le shirk en les éduquant, en leur transmettant parfaitement le message et en les avertissant sans cesse contre le shirk et ses causes tout en exposant ses effets dévastateurs. فلما قالوا له أنت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى ثم قال لهم لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا حقا. Lorsqu'ils lui ont dit c'est toi notre maître, il a répondu le maître c'est Allah, béni exalté soit-il. Ensuite il les a mis en garde, mais ne laissez pas Shaytan vous pousser à l'exagération, alors qu'ils n'ont dit que la vérité. Alors qu'ils n'ont dit que la vérité, le prophète sallam, c'est le meilleur d'entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur d'entre nous. Et les éloges qu'ils ont mentionnés, ils n'ont dit que la vérité, c'est le meilleur. C'est celui qui était le plus généreux, qui dispensait le mieux ses grâces. Mada, celui qui avait le plus le dessus sur ses ennemis. Et ainsi de suite. Malgré ça, il a fermé cette porte pour qu'il ne tombe pas dans l'exagération, pour obstruer tous les chemins qui pourraient, même de manière éventuelle et lointaine, mener au polythéisme. Cela nous montre l'importance du tawhid et aussi la gravité du shirk et la voie de la prédication correcte et louable. C'est le fait d'appeler au tawhid de manière détaillée et d'avertir contre le polythéisme également de manière détaillée. Comme on le voit dans le Coran et la Sunna. Et pour celui qui veut étudier après les tafasir et les explications de ces textes, qu'il étudie le livre Kitab al-Tawhid du grand savant Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, et il y trouvera au-delà de ses attentes. Wa nadhiruhu ma rawa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa an-Nasa'i fi al-Kubra rahimahullah bi sayyidin jayyid an Anas رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله أو أنزلني الله تعالى، أنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأفضل عباد الله وإمام المتقين، إلا أنه كره لهم ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء، كما قال لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم رواه البخاري. L'auteur حفظه الله تعالى poursuit et nous dit que des termes similaires ont été rapportés par dans un hadith sont venus rapportés par l'imam Ahmad al-Nasa'i dans une chaîne de transmission jugée bonne d'après Anas radiallahu anhu. Certaines personnes s'adressèrent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Ô toi le meilleur d'entre nous, fils du meilleur d'entre nous. Ô toi notre maître, fils du meilleur ou fils de notre maître. Il les reprit. Ô vous les gens, tenez-vous-en à vos propos. Ne laissez pas Shaitan vous induire en erreur. Je ne veux pas que vous m'éleviez au-dessus du rang qu'Allah le Très-Haut m'a accordé. Je suis Muhammad, fils de Abdullah, serviteur et messager d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quelle humilité. Quelle éducation pour la communauté. Quel exemple. Sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dhakarallaha kathira. Dans Suratul Ahzab, vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Na'am. Il n'est pas à l'image des têtes du soufisme et de ceux qu'ils ont érigés en tant que maîtres et qu'ils ont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal, les prenant en intermédiaire dans le culte entre eux et Allah Azza wa Jal. Tu les vois prononcer à leur tête et réciter à leur tête, entre leurs mains, devant eux, toutes sortes de poésies souillées par le polythéisme et l'exagération. L'un d'entre eux s'en va jusqu'à dire « Je n'ai personne en dehors de toi. Si tu m'abandonnes, qui est-ce qui pourra s'occuper de mes affaires ? Et si tu ne m'aides pas à passer le sirat, qui est-ce qui m'aidera à passer le sirat ?» Allahu Akbar. Ce sont des paroles qu'on ne peut dire que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ces derniers les ont adressés alors à leur chouyour, parmi les têtes de Tijaniya ou d'autres voix égarées du soufisme. Celui qui a grandi dans un pays où il y a eu ces voix-là doit savoir que c'est une voix corrompue, une voix égarée et qui n'a rien à voir avec l'islam. Celui qui a des proches qui ont grandi dans cela ou qui sont touchés par cela, il faut leur faire comprendre à travers la lecture du Coran, de la Sunna, à travers l'étude du monothéisme pur, de son appel, du shirk, sa mise en garde, que la Tijaniya et les autres voies du polythéisme et du soufisme sont des voies condamnées en islam. Le fait d'élever la créature au niveau du créateur et de lui attribuer des choses que seul le créateur mérite et possède, c'est le fait d'assigner un égal à Allah. Ça n'est pas la religion de Mohammed, c'est la religion d'Abu Lahab, de Abu Talib. Ces gens-là adoraient Allah, mais ils adoraient aussi des fausses divinités. Ils les prenaient en intermédiaire entre eux et Allah dans le culte. Il faut donc sensibiliser les gens de la communauté sur cela et les faire revenir au monothéisme, à l'islam. À l'islam. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans combien de pays sont-ils touchés par cela ? Dans combien de pays sont-ils touchés par cela ? Chez nous, au Mali, tu peux trouver cela. Au Sénégal, tu trouves grandement cela, malheureusement. Au Maroc, tu trouves grandement cela. Dans certains coins d'Algérie et autres, dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, ils ont pollué la religiosité des musulmans en les faisant et en leur transmettant des mauvaises croyances. Des mauvaises croyances. Wallah musta'in, il faut rechercher la science. Il faut être sincère dans sa démarche de la recherche de la vérité. Il faut questionner, il faut demander. Et celui qui recherche la lumière, Allah Azza wa Jal lui accordera. Qu'Allah sauve ceux qui ont été éprouvés par ces voies-là. Beaucoup sont sincères, mais ils n'ont pas reçu l'explication suffisante, le bon conseil sincère dans lequel se mêle l'amour de la guidée de la personne, la sagesse dans l'utilisation des mots et le fait de parler à la personne selon ce qu'elle peut comprendre. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne laissez pas, ou plutôt, tenez-vous-en à vos propos. Ne laissez pas Shaitan vous induire en erreur. Je ne veux pas que vous m'éleviez au-dessus du rang qu'Allah est très haut maintenant. Je suis Mohammed, le fils de Abdullah, serviteur et message d'Allah. Dans le Coran, قُلْ إِنَّمَا نَبَشَرُوا مِثْلُكُمْ يُحَا إِلَيْهِ dit, je ne suis qu'un. Un humain comme vous. On me donne la révélation. C'est ça la différence. C'est qu'il reçoit la révélation d'Allah, c'est un serviteur et messager. Sinon, c'est un humain. Il est né, il est mort, il sera ressuscité. Il ne connaît pas l'invisible. Il n'a pas le pouvoir de créer, de donner la vie et la mort, de soigner le malade. Non, ceci que pour Allah Azza wa Jal, et c'est le prophète Mohammed qui nous a enseigné cela. Donc, c'est un serviteur, on ne l'adore pas. Mais c'est le message d'Allah, on ne le dénigre pas. On ne minimise pas son rang. On le respecte, on le considère, on l'aime plus que nos personnes, nos propres enfants, femmes et parents. Mais on ne l'adore pas avec Allah Azza wa Jal. Alors que ce qu'ils ont dit, ou de ce qu'ils ont dit, c'est correct. Lorsque le prophète sallam dit « قُلُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بِبَعْدِ قَوْلِكُمْ » Certains savants ont dit « Dites, allez droit au but, ce pourquoi vous êtes venus. » D'autres ont dit ne sortez pas de vos habitudes qui sont connues chez les Arabes, c'est-à-dire ne pas exagérer dans les éloges. Ceci était connu chez les non-Arabes. Le fait d'exagérer dans les paroles adressées à leurs dirigeants et autres. Donc n'exagérez pas dans les éloges, que ce soit avec retenue. Ne dites pas, n'additionnez pas toutes ces éloges. Vous pouvez en dire une partie. Mais le roi Sallam a en réalité ici voulu fermer la porte qui mène à l'exagération et au polythéisme. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est effectivement le chef des fils de Adam, le meilleur d'entre eux, le meilleur des serviteurs d'Allah et l'imam des gens pieux. Cependant, il leur a interdit de les décrire ainsi, ou de le décrire ainsi, afin d'éviter le piège et l'exagération ainsi que l'amplification. Dans un autre hadith, il conseille et dit « N'exagérez pas dans mes éloges, comme les chrétiens l'ont fait à l'égard de Isa, fils de Maryam. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah. Dites donc le serviteur et le messager d'Allah. Le serviteur et le messager d'Allah. Les gens de la sunna, ou les musulmans, ou les na'am, les gens de la sunna, sont parmi les gens de l'islam, comme l'islam est entre les différentes voies, les différentes religions. C'est le juste milieu. Ni on diminue du rang du prophète alayhi salat wa salam en se permettant de parler mal de lui ou de ses compagnons ou de ses épouses. Ni on exagère à son sujet en lui accordant ce qui ne convient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on dit Abdullah, ça veut dire on n'exagère pas à son sujet, on ne l'adore pas avec Allah. Et quand on dit Rasoulou, c'est son messager, on lui accorde son rang et on l'élève comme c'est permis dans la religion. وَنَهَا عَنِ الْمَدْحِ وَشَدَّدَ الْقَوْلَ فِيهِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَثْنَى عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال له ويحك قطعت عنق صاحبك بقوله مرارا أو يقوله مرارا وفي صحيح مسلم عن المقدار بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit en des termes sévères de faire les éloges des gens. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wa sallam a interdit en utilisant des termes sévères de faire les éloges des gens, particulièrement dans leur visage ou face à eux en leur présence. Comme cela a été relaté dans le recueil d'Imam Bukhari et d'Imam Muslim, selon Abu Bakra, radiallahu anhu, le noble compagnon Abu Bakra, rapporte un homme fit les éloges d'un autre, le tout auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit donc, le messager a dit à l'homme qui faisait les éloges, malheur à toi, malheur à toi, tu viens de couper le cou à ton compagnon ou à ton ami. Il lui a répété cela plusieurs reprises. Malheur à toi, tu viens de couper le cou à ton ami. Malheur à toi, tu viens de couper le cou à ton ami. Et dans le recueil de l'imam muslim, selon le Miqdad ibn al-Aswad, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyez les flagorneurs, jetez-leur la poussière au visage. Si vous voyez ceux qui font les éloges, exagèrent dans cela ou ne s'adonnent qu'à cela, jetez-leur du sable, de la poussière dans le visage. Subhanallah. Et nous avons chez nous ceux qui sont spécialisés dans cela, dans le fait de faire des éloges. Ils viennent dans les mariages et chantent la gloire de la famille de un tel et exagèrent et font ces éloges en pleine face. Et lui, selon leur tradition et leur coutume, leur donne de l'argent et des billets. Et gare à lui s'il ne donne pas assez. Allahul Musta'an, ceci est blâmable. Ceci est blâmable. Il ne convient pas de faire les éloges de la sorte, comme vous l'avez entendu. Celui qui fait les éloges de son frère en pleine face, sans qu'il y ait une sagesse ou une particularité dans cette situation-là, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, tu viens de couper le cou à ton compagnon. Tu viens de couper le cou à ton compagnon. Donc il faut délaisser cette habitude. Il faut délaisser cette habitude. Ils disent toutes sortes de paroles. Le but est de flatter et de titiller l'ego de cette personne, de montrer sa place parmi les autres. De le gonfler et de satisfaire son ego. Cela va à l'encontre de la servitude qu'Allah Azza wa Jal veut pour ses serviteurs. C'est donc une chose blâmable et mauvaise. C'est donc une chose blâmable et mauvaise. Famouwajahatul Mamdouhi bimadhihi, walou bimafihi la yanbari. Ainsi, il ne convient pas de flatter une personne en face, même si les qualités mentionnées lui sont reconnues. Limakat tuvdi ilayhi mahabbat al-madh, ou mahabbat al-madh, min ta'adhum al-mamdouhi fi nafsi. وذلك ينافي كمال التوحيد ويوقعه في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة. Car cela pourrait pousser celui qui accorde de l'importance aux éloges à les aimer. Ça peut le faire tomber dans l'amour des éloges. Ça peut le pousser à s'immensifier, à se magnifier de par l'amour qu'il aura par la suite pour les éloges. Et cela vient à l'encontre, ça s'oppose clairement à l'unicité, à la perfection de l'unicité. Et ça le fait tomber dans une situation gravissime qui contredit la servitude particulière. Le fait que tu sois le serviteur d'Allah Azza wa Jal particulier, celui qui se soumet, qui se soumet volontairement à lui avec amour, avec humilité, ça vient à l'encontre de ça. Allah al-Musta'an. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يقابل بالمدح صيانة لهذا المقام وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده ويضعفه من الشرك ووسائله بانصراف القلب إلى نوع من التعلق بالمخلوقين والذل لهم والانكسار الذي لا يحل ولا يجوز صرفه إلا لله الواحد القهار. Un tel comportement s'oppose à la perfection de l'unicité et place la personne dans une grave situation qui contredit la servitude particulière. En effet, Allah ayant complété le statut de la servitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Allah a accordé au prophète sallam d'être le meilleur des serviteurs. À partir de là, le prophète sallam a détesté qu'on lui fasse des éloges. Plus la personne est soumise à Allah, plus elle aime Allah et connaît son rang de serviteur face à Allah, le maître et seigneur, plus elle détestera qu'on fasse ses éloges auprès d'elle. Aimer cela résulte forcément d'une défaillance dans la concrétisation du monothéisme et de la servitude. C'est pour ça que le prophète sallam n'aimait pas cela. Son but était plutôt de protéger ce rang et de guider sa communauté avec sincérité vers cette façon d'agir, le fait de protéger le tawhid. Le prophète alayhi salat wa sallam s'est comporté ainsi pour protéger les délimitations du tawhid et pour orienter sa communauté et lui prodiguer le meilleur conseil, le conseil sincère. Il a préservé le tawhid afin qu'il ne soit pas corrompu ni souillé par quelque forme de polythéisme ou les causes y menant. Le prophète alayhi salat wa sallam a tout fait afin que rien n'entache la pureté du tawhid. Rien ne vienne diminuer le tawhid comme shirk asrar ou autre cause menant à cela. Comme le fait que le cœur du serviteur penche vers la créature, se rattache, s'accroche à la créature. Subhanallah. Jamais le monothéiste ne doit laisser son cœur pencher et abandonner son cœur et compter pleinement sur une créature. Le cœur du monothéiste n'est rattaché qu'au Seigneur des cieux et de la terre, qu'à celui qui a créé ce cœur-là, qu'à celui qui doit être rempli dans ce cœur-là, yani, rempli d'amour, de crainte, d'espoir, de désir et autres. Le prophète alayhi salat wa salam nous a avertis contre le fait de rattacher nos cœurs aux créatures, contre le fait de s'humilier à la créature. Il nous a avertis contre tous les moyens menant à la diminution du monothéisme. Il voulait également éviter que les cœurs ne développent de quelconque attachement, soumission ou assujettissement par rapport aux créatures. Car une telle attitude n'est permise qu'envers Allah. Car une telle attitude n'est permise qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, on ne l'attribue qu'à Allah. L'unique, le dominateur suprême. L'unique, le dominateur suprême. Où sont ceux qui aiment qu'on exagère à leur sujet? Où sont ceux qui, lorsqu'on ne dit pas shir, ils se mettent en colère? Ou lorsqu'on n'obéit pas à leur ordre, na'am, ils sont prêts à corrompre là une partie de la communauté ou à faire naître une guerre entre ses élèves et les autres. Ceci n'est aucunement l'éducation léguée en héritage par le prophète alayhi salat wa salam. Le prophète alayhi salat wa salam est la mère des créatures. Et c'est le seul qui mérite d'être suivi de manière absolue, car c'est le serviteur et messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de lui, nul ne mérite son rang. Malgré ça, voyez, l'humilité qu'il avait, il n'acceptait pas ces éloges-là. Et le petit étudiant en science, l'imam ou le prédicateur, doit marcher sur les pas des savants qui nous ont précédés, qui eux-mêmes ont marché sur les pas des savants qui les ont précédés, qui eux-mêmes ont marché jusqu'à monter jusqu'au sahaba, jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Dans cette humilité, dans le fait de ne pas aimer ces éloges et de ne pas accepter ces éloges, sauf lorsqu'il y a une sagesse, comme a expliqué Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala, par exemple, l'étudiant en sciences ou le prédicateur qui est auprès de gens de la masse. Naam, si ils disent par exemple, Masha'Allah, il a de la science, il ne va pas dire, non, je suis un grand ignorant.